feu dans cette chaîne de vie, pas long feu. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Gamozo, vous nous écoutez sur le 107FM ou sur internet. Il est 8h30, c'est Marion et vous êtes bien dans la matinale. Nous sommes le mardi 13 novembre et nous souhaitons une bonne fête au Brice. Ça vient du celte, signifiant tacheté, moucheté. Quel dynamisme, quel entrain, quelle vivacité, quelle impulsivité. Les Brice n'apprécient guère les contraintes et chérissent la liberté. Adaptables, rapides comme l'éclair et toujours pressés, ils sont particulièrement curieux. Ils évoluent avec adresse et habileté et saisissent les opportunités qui s'offrent à eux sans toutefois avoir toujours pleinement conscience du danger. S'ils sont curieux, ils demeurent secrets, réservés ou moqueurs et cyniques et préfèrent se dissimuler au regard des autres. Ils cultivent le mystère et sont insaisissables. Énergiques, directifs, ils ont un grand besoin d'action et de motivation. Cela peut se traduire par une mobilité extrême, une grande nervosité ou l'amour du sport. Ils veulent avoir la première place dans la vie et pensent non sans complaisance que la valeur n'attend pas le nombre des années. Indisciplinés, ils sont même effrontés malgré une certaine timidité. Les Brice ont les défauts de leur qualité. Impatience, instabilité, emballement, agressivité, parfois manque de discernement et de nuances. Ainsi refusent-ils l'autorité établie et font-ils preuve d'extrémisme ou d'insubordination. Leur existence est marquée par de nombreux changements de parcours. Ennemis de la routine et de la monotonie, ils aiment que tout aille très vite. Heureusement, la chance leur sourit et ils savent la saisir. Dicton du jour à la Saint-Brice. Le temps sera celui du jour de l'an. Célébration internationale, aujourd'hui en Équateur, c'est la journée nationale de l'éducation et au Panama, c'est la journée des journalistes. Et dans les événements marquants qui se sont déroulés un 13 novembre en 1830, c'était la mise en vente du roman Le Rouge et le Noir de Stendhal. Et en 2015 avaient lieu les attentats à Paris. On s'en souvient encore 3 ans après de cette journée bien triste. Allez, on va tout de suite marquer une première pause musicale avec le chanteur Timmy Thomas, connu pour le titre Why Cannot We Live Together, qu'on écoute tout de suite. No more. Why can't we live together? Voilà, c'était le chanteur Timmy Thomas sur RGM, un peu plus de 8h37, on parle anniversaire, il s'en est un 13 novembre 1944, naissance de Timmy Thomas, chanteur et compositeur américain. 1947, naissance de Joe Mantegna Jr., acteur américain, vu dans Le Parrain 3 dans le rôle de Joe et Zaza, dans la série télé Le Monde de Joanne dans le rôle de Will Girardi, mais on le connaît surtout pour son personnage de David Rossi dans la série Esprit Criminel. 1953, naissance de Frances Conroy, actrice américaine, vue dans Aviator dans le rôle de Kit Hepburn, dans la série télé Six Feet Under dans le rôle de Ruth Fisher, à What Met Your Mother dans le rôle de Loretta Stinson, la mère de Barney, vue également dans Grey's Anatomy, Nip Tuck ou encore Mentaliste. C'est également l'année de naissance de Tracy Scoggins, actrice américaine, vue dans la série Dynasty dans le rôle de Monica Colby, Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman dans le rôle de Catherine Grant, Les Dessous de Palm Beach, Nip Tuck, NCIS Enquête Spéciale ou encore Castle. 1954, naissance de Chris Nutt, acteur américain, connu pour son rôle de l'inspecteur Mike Logan dans les séries New York Police Judiciaire et New York Section Criminelle, et connu pour son rôle de Big dans la série télé Sex and the City, ainsi que dans les deux films qui ont suivi, et on a pu le voir également dans la série The Good Wife, dans le rôle de Peter Fleurick. 1955, naissance de Whoopi Goldberg, actrice américaine, vue dans La Couleur Pourpre de Steven Spielberg dans le rôle de Sally, dans Ghost dans le rôle de Dame Brown, récompensée par l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle, Sister Act 1 et 2 dans le rôle de Dolores Von Cartier, Alarme Fatale dans le rôle du sergent York, Appelez-moi le Père Noël, la série télé La Vie Avant Tout dans le rôle du docteur Lydia Emerson, également scénariste et productrice de la série, et vue dans quelques épisodes de Glee dans le rôle de Carmen Thibodeau, ouais c'est ça. 1959, naissance de Caroline Goodall, actrice anglaise, vue dans Hook ou La Revanche du Capitaine Crochet, La Liste de Schindler dans le rôle d'Emily Schindler, Princesse Malgré Elle et la suite à Mariage de Princesse dans le rôle d'Hélène, la mère de Mia. 1960, naissance de Neil Flynn, acteur américain, connu pour son rôle du concierge dans la série Scrubs et son rôle de Mike Ake dans la série The Middle. 1967,

Longtemps d'Amir sur le 107 FM, un peu plus de 8h45 et il est temps eh bien, pour nous de faire un petit point sur la météo. La météo. Alors, la météo, eh bien, pour l'instant, on est sous les nuages et la pluie. Cela va durer toute la matinée et normalement, à partir de cet après-midi, nous devrions avoir des éclaircies. Des températures comprises entre 9 et 10 degrés ce matin, entre 11 et 12 degrés pour cet après-midi. Mercredi, ce sera le retour du soleil avec tout de même quelques nuages et les températures vont diminuer le matin puisqu'elles seront comprises seulement entre 2 et 3 degrés. Et pour demain après-midi, ce sera entre 12 et 14 degrés. Pour jeudi, du soleil avec plutôt pas mal de brouillard, des températures comprises entre 4 et 5 degrés le matin et entre 11 et 12 degrés prévus pour jeudi après-midi. Voilà pour la météo, on file vers l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et on commence avec le tennis et le Master de Londres où hier Zverev s'est imposé en 2-7 face à Cilic, 7-6, 7-6 et Djokovic s'est imposé en 2-7 face à Isner, 6-4, 6-3. Aujourd'hui, Anderson affrontera Nishikori et Federer sera opposé à Thiem. Et en double messieurs, notez la défaite d'entrée de la paire française Nicolas Mahut et Pierre Hugerbert. Et alors, mauvaise nouvelle, Nicolas Mahut est tombé lors de ce match. Alors, espérons que ce ne soit pas très grave pour le joueur français, puisque je vous le rappelle, la finale de la Coupe Davis aura lieu très bientôt. Ce sera les 23, 24 et 25 novembre prochains, donc ça approche à grands pas. D'ailleurs, Yannick Noah va annoncer sa liste de joueurs retenus pour disputer cette finale aujourd'hui. Mais donc voilà, on va croiser les doigts pour Nicolas Mahut et il faudra déjà faire sans Richard Gasquet qui a annoncé hier son forfait pour la finale. Donc de la Coupe Davis. Ça risque d'être très compliqué pour Yannick Noah, puisque Luca Pouille n'est pas au meilleur de sa forme à niveau performance. Joe Wilfried Tsonga revient de blessure, mais voilà, c'est encore pas au top niveau. Donc voilà, on verra bien ce que va nous réserver Yannick Noah. Un mot de basket maintenant avec tout d'abord la demi-finale aller de la Leaders Cup, où Nancy s'est imposée à Rouen hier soir, 72 à 77. Décidément, rien ne résiste à Nancy en ce début de saison, pourvu que ça dure. Allez, les résultats de NBA cette nuit. L'équipe de Washington de Miami s'est imposée face à l'équipe d'Orlando d'Evan Fournier, 117 à 109. Un petit rebond pour Miami et 20 points pour Evan Fournier. L'Utah Jazz de Rudy Gobert se reprend petit à petit, s'est imposé face à Memphis, 88 à 96, 15 points pour Rudy Gobert. Et enfin, l'équipe d'Oklahoma de Luau Cabarro s'est imposée face à l'équipe de Phoenix d'Okobo, 118 à 101. Aucun point pour Luau Cabarro et pour Okobo, c'est 2 points et 5 assistances. Un mot de football maintenant avec les résultats de la Ligue 2 où décidément Nancy n'y arrive pas. S'est incliné hier à Brest sur le score de 2 à 1. Et on va parler de l'équipe de France qui va disputer un match vendredi soir aux Pays-Bas. C'est un peu l'hécatombe côté français en équipe de France de foot également. Il n'y a pas qu'en tennis. Paul Pogba est donc forfait. Il est remplacé par Moussa Sissoko. Anthony Martial, forfait également. Il devait être remplacé par Lacazette et tout compte fait, ça ne se fera pas. Il est remplacé par Pléa Alassane. Et autre forfait, celui de Benjamin Mendy, remplacé par Ferland Mendy. Voilà donc pour les forfaits en équipe de France. Alors espérons que ça s'arrête là, s'il vous plaît. Allez, c'est tout pour l'actu sportive. On va maintenant marquer notre dernière pause musicale avec Georges Ezra et le titre Shotgun. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top